qu'elle ressemble au destin, qu'elle soit la providence, qu'elle nous laisse un parfum de leur adolescence. Sur l'écorce des arbres, sur les murs des lycées, sur les socles de marbre, leurs prénoms sont gravés. Qu'elles atténuent le feu de nos premières blessures, en posant sur nos yeux un rouge à lèvres pures. Qu'elles nous laissent en partant une haine de l'amour, qu'elles effacent en souriant quand elles reviennent un jour. Les hommes cavalent après une jupe et des yeux pâles, comme derrière un chariot d'étoiles, avec leurs idées d'idéal. Les hommes cavalent après des jambes et des sandales, sur des musiques sentimentales, pour un bien qui leur fait du mal. Quels soient l'horizon vrai, les plus belles espérances, le triangle parfait, les douleurs de l'enfance, après les amours fauves, les amours débutants, un blue jean qui se sauve, un adieu qui nous plante. Les hommes cavalent après une jupe et des yeux pâles, comme derrière un chariot d'étoiles, avec leurs idées d'idéal. Les hommes des sandales, sur des musiques sentimentales, pour un bien qui leur fait du mal. Les hommes cavalent après une jupe et des yeux pâles,